Une fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter Un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet, bien évidemment. Nous sommes le vendredi 21 juillet 2017, il est 17h tout pile. Bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Alors, comme à l'accoutumée, une fois par mois, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. 4 ans déjà qu'on est à l'antenne, on vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs et les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Alors encore une chouette émission certainement au programme cette semaine, ce mois-ci, avec mes deux partenaires du jour. On commence par Anaïk. Bonjour Anaïk, ça va ? Ça va bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est bien, on est content, c'est la dernière de l'année. Oui, c'est la dernière, après on part en vacances. Et notre Jack qui est avec nous cette semaine, comment ça va Jack ? Bonjour à toutes et à tous. Parmi toutes ces voyages, parmi toutes ces élucubrations. Oh mon Dieu. Oh là là, on arrive à le choper au vol comme ça. On le chope au TGV. On le chope au TGV. Donc, t'es avec nous cette semaine. Et pareil, hein, c'est les vacances le mois prochain. Hein, donc, tu pourras te reposer. Ah, je peux me reposer. Tu peux te reposer tranquille. D'accord, ok. Ça. Alors, on va avoir un beau programme pendant cette heure ensemble, les amis. On va vous en dire plus d'ici quelques instants. Anaïk, n'est-ce pas ? On va parler un petit peu du camping rétro. Alors oui, bah effectivement, on part bientôt en vacances, donc j'avais envie de parler d'un mode de vacances qui a un succès voilà, depuis plusieurs années, c'est le camping, mais aussi le camping rétro, plus rétro. Particulièrement. Voilà. Ouais, qui fait son grand retour, alors on vit un petit peu, il y avait des conditions un petit peu plus spartiates, on peut dire, hein, mais on revient à la nature. Ah, on se lave quand même ? Alors oui, quand même, parce que je pense, mais je sais pas si mon micro marche, en fait je m'entends pas. Si, d'accord, ok. Donc je pense en fait que oui, dans les années 60-70, on se lavait, donc voilà. Normalement, on est censé aussi se laver dans les campings rétro en 2017. Donc on roule en véhicule rétro. Exactement. Ah, magnifique. D'accord. On va parler aussi de l'origine du paréo. Oui, on parlera plage, on parlera été, et donc j'avais envie de revenir un petit peu sur cet accessoire de mode qu'est le paréo et qu'on voit un petit peu partout en fait l'été. Mm-hmm. Et puis on parlera, Jack, tu nous parleras de ta chronique, enfin ça sera sur quoi du coup ce coup-ci ? Suspense. C'est ce suspense ? Ah, ce mois-ci je vous parle des clashs. Clash. Les bastons ? Non. Je vais pas parler des bagarres entre petits rappeurs. Les conflits. Non, je parle d'un vrai groupe de rock, ska, punk. The Clash. La story de The Clash. On parlera aussi chilienne et non pas une personne qui vit au Chili. Non. Le fameux transat, voilà, on appelle la chilienne aussi. Pareil, mais c'est qui très camping hein, aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Dans le camping. Ouais, non, hein, mais voilà, on est comme ça. On va parler Renault 12, boule d'attelage, caravane. Voilà, c'est boule d'attelage, c'est bon. National 7. Et bien sûr, on terminera avec les sorties au niveau local, mais aussi au niveau national. En somme, une belle émission, je pense. Hein. On est ensemble une heure. Alors cette semaine, on n'a pas d'invité. Et non, voilà, non. On termine entre nous, mais c'est bien. Voilà, on termine comme on a commencé au tout début. C'est le petit barbecue entre amis. Ouais. Exactement. Où sont les merguez d'ailleurs ? Elles vont pas tarder à arriver. On les fait chauffer sur la place. Sur la place. Ah non, un peu de rosé. Voilà. Un peu de rosé. Ah mais volontiers, merci. Qu'est-ce qu'on est bien, les amis. Alors, on est dissipés. Hein. On va commencer tout de suite eh bien avec le camping rétro. Bah oui, non, mais c'est sûr. Il y a la musique qui va avec en plus. Moi, je sais pas pourquoi, mais camping-car au bord de la mer, comme ça, ça me fait penser qu'on est un peu le soir, on commence à tirer la toile de la tente, pourquoi pas. On ferme les rideaux. Caravane, on fait le haut-vent. On fait sauter le string. Toujours une galère, le haut-vent. Toujours une galère de monter le haut-vent. Ah oui, c'est généralement là, y a après plus personne se parle. On met le petit camping-gaz. Ah oui, on met le feu. voilà, et puis Donc, ça, c'est le camping rétro. Alors, si vous avez envie de replonger hein, dans l'ambiance des campings d'autrefois, de loger le temps de vos vacances dans une vieille caravane à la déco vintage. Il en existe plusieurs en France, plusieurs campings rétro, n'est-ce pas Nick ? Alors oui, effectivement, j'ai fouillé un petit peu et j'en ai trouvé quand même quelques-uns. Si vous avez envie de passer un peu des vacances insolites, un peu authentiques dans une ambiance 70s, vous pouvez notamment aller au camping qui s'appelle l'œil dans le rétro. Voilà, donc on sait où on est, je pense. Il était fait pour nous, celui-là. Hein. Voilà, exactement. Donc, en fait, ça se situe dans la Sarthe. Et là-bas, en fait, vous pouvez choisir votre caravane rétro parmi un choix assez large. Alors, pour les, voilà, pour ceux qui s'y connaissent, il y a des caravanes telles que l'Averne 400 GL. Ah oui. Tu connais, Jack? Ah, je connais l'autre. C'est vrai? La digue. La digue, la oui. digue coronette. Oui. Tu ah, connais? Mais c'était pas celle-là que je connaissais, moi, la digue. Bon, la digue coronette. Voilà, donc en fait, vous pouvez, si vous n'avez pas de votre propre caravane rétro, vous pouvez effectivement en louer sur place et passer du temps avec votre famille dans cette ambiance un petit peu 70s. Est-ce que c'est cher? Par rapport à un camping classique? Alors, c'est pas plus cher qu'un camping classique. C'est à peu près, ça se situe à peu près aux alentours de 600. Ça peut aller jusqu'à 600 euros la semaine. C'est à peu près les prix. Oui, après, voilà. Je pense que plus tu descends dans le sud, à mon avis. 600 euros la semaine? Ouais. C'est pas excessif. Ah, bah, si tu loues la caravane, oui, j'entends bien. Voilà, parce que après, quand tu vois les prix des locations. C'est 2004, voilà, exactement. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Il y a un camping en particulier dont on veut parler aussi. Alors, il y a un autre camping aussi qui s'appelle le Bel Repère, hein, qui est un endroit situé au milieu d'une campagne vallonnée, en fait, et vous êtes face à la chaîne des Pyrénées. Donc, c'est quand même hyper cool. Vous avez une vue un peu panoramique sur la chaîne des montagnes. Donc, là, si c'est le vintage, en fait, que vous aimez, je dirais que c'est un peu l'endroit où il faut aller. C'est assez emblématique des années 40 à 60 en Amérique notamment, et vous avez des caravanes avec des formes arrondies. Je ne sais pas si vous visualisez. Ouais, les Airstream. Les voilà. Airstream, oui, voilà. C'est ça. Voilà, donc vous avez ce type de caravane, et en fait, il faut savoir que c'est un rapport en fait avec l'aérodynamisme en fait. Mm-hmm. Oui, Jack, c'est ça, je ne me gourre pas. Bah oui, c'était pour pouvoir parcourir de longues distances. Exactement, sans, voilà. Ouais. Structure en aluminium. Tout à fait. Et donc, si on est l'heureux propriétaire, mais là, je pense qu'il faut mettre un petit billet. Là, je pense que ça coûte des ronds. Là, quand tu veux. Ouais. C'est un petit billet, ouais. Caravane Airstream ou d'une caravane. Il y en a un super sympa aussi à Albi. D'ailleurs, tiens, je suis allé l'an dernier lors d'une journée circuit. J'ai dormi dans un motorhome qui était dans un camping vraiment très, très rétro, on peut le dire. Mm-hmm. Avec un gros lodge à l'américaine. Il y avait un combi pour trimballer les guests. Il y avait des Airstream et tout. Et c'était. De plus en plus de gens essayent de récupérer aujourd'hui. Et vraiment, ça coûte très cher aussi les combis. Hein. Ouais. Franchement, le soir ils l'ont planqué. Hein. Et des sociétés qui se mettent à récupérer, à les retaper, à les louer. Oui, il y a dans l'Ouest notamment, il y a une boîte qui fait ça. Et bon, c'est pas donné, hein, mais par contre, ça vaut le coup. C'est une belle aventure. Il en existe bien sûr partout en France. On peut aussi adhérer à l'association le Rétro Camping Club de France, hein, qui a été créé en 1995 et qui a notamment pour but de sauvegarder et d'utiliser les matériels anciens de camping et de caravaning, c'est ça, et d'organiser des rencontres et des sorties dans les campings agréés. Mais et les émissions auto s'y intéressent de plus en plus. J'ai vu plusieurs sujets justement sur des manifestations dans des campings comme ça, où il y avait pendant un week-end, les gens venaient avec le véhicule, la caravane et tous les accessoires. Oui, parce qu'ils font des événements en fait, où les gens, c'est un peu comme les gens qui ont des vieilles voitures, hein, c'est la même chose généralement. Les fans de Youngtimers ou de voitures des années 70 dévient facilement sur ce genre de trucs. J'en vois dans les gens que je connais, effectivement. Après, se mettent à collectionner, et puis il y a des lieux aussi où vraiment tu vis comme à l'époque. Par exemple, il n'y a pas forcément l'électricité, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas vraiment... les sanitaires. Moi, s'il n'y a pas le wifi, c'est vraiment courant, en mode de l'époque où le confort était beaucoup plus mal, spartiate que maintenant. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire, parce que moi je me suis dit cet été par exemple, je vais essayer pendant les trois semaines de vacances de me déconnecter. L'année dernière j'avais réussi de me déconnecter, alors j'ai toujours le portable quand même pas trop loin, mais de ne pas poster particulièrement de choses, de ne pas informer particulièrement, d'essayer d'éviter de regarder, parce que plus tu regardes plus t'as envie. Et donc je vais essayer quand même de m'efforcer. Oui, vos photos en maillot de bain l'an dernier ont été quand même un petit peu j'en ai mis une en premier, c'était pour le coup le camping, quoi, tu vois, mais après j'ai plus rien posté, donc je vais essayer encore de faire ça. Mais qui dit camping dit bien sûr Bamboléo. Bien sûr, Jack, voyons. Attention, c'est balle du camping. Oui, c'est allez, venez. Soirée camping, c'est les Gypsy Kings, les amis. Bamboléo. Allez, on se retrouve juste après ça. Bien sûr, il est 17h09. Vous êtes à l'écoute de Fadjet. On est ensemble jusqu'à 18h. C'est un coup d'œil dans le rétro. Dans le rétro. No tenez la culpa, caballo de la sabana, porque muy despreciado por eso. No te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera. No tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del de pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te ha desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Classique des Gypsy Kings. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors bien sûr, vous avez aussi la possibilité de nous écouter sur le net, sur www.fadjet.net, ou alors d'aller nous voir aussi sur notre page, faites-nous des petits coucou. C'est Fadjet, un coup d'œil dans le rétro 94.2. On vous remercie d'être avec nous en cette fin de journée, ce début de week-end. Là, il est moins long que la semaine dernière, le week-end. La semaine dernière, on avait le 14 juillet, faut pas exagérer. C'est pas ah, mais oui, c'est vrai. Ah bah non, et oui, on a défilé. Mais en tout cas, on en profite parce que l'été, ça fait du bien. Ici, sur Nancy, il fait plutôt beau, hein, on peut l'apprécier quand même, hein, le mois de juillet, pas pourri. C'est pas dégueu dégueu, alors, c'est vrai. Hein. Toi, t'es quand même allé dans le sud. Hein, donc je suis allé même en Espagne où il faisait une chaleur. Le temps devait être meilleur. Dans le sud de l'Espagne, il faisait très très chaud. Hein, est-ce que compliqué. Tu as porté un pareo? Je n'ai pas porté de pareo. J'ai enlevé des pareos. Ah, t'as enlevé des pareos. Non, je plaisante. Hein, humour, humour. Coquin, celui-là. Alors, t'as une petite dédicace, il y a quelqu'un qui nous écoute? Il y a plein de gens qui nous écoutent. Alors là, c'est une catastrophe. Alors là, j'ai vu que Nico nous écoutait. Raphaël nous écoute. Je pense que Pierre nous écoute en Angleterre, Ben nous écoute aussi. Attention, c'est le début de la liste. C'est le début de la liste. Eh ben, on vous fait tous un coucou en tout cas. Bon, on en fait des plus appuyés. Effectivement, on fait des plus appuyés à qui mais on va pas le dire. Il a plein de sous-entendus celui-là. Hein. Mais non, mais il y a des gens qui écoutent, qui sont des fidèles. Il y a des gens qui nous écoutent vraiment presque à chaque fois. C'est vrai. Voilà. Bon. Eh ben on vous en remercie en tout cas, ça nous fait bien plaisir parce que notre émission on y met du cœur finalement depuis quelques temps déjà. Et là on a envie de parler de pareo, c'est l'outil, l'essentiel, l'indémodable qu'on utilise encore cet été, le pareo qui bien sûr vient de Polynésie, c'est ça? Alors oui, le pareo c'est un peu, alors je sais pas si c'est l'indémodable mais on a toutes eu un pareo en tant que nénette en fait dans, son, dans sa valise pour les vacances. Et parce que nous, beaucoup moins. Et si, et les garçons aussi, alors soit des pareos un peu grandeur, je veux dire, comme les filles, ou des fois vous avez des petits pareos aussi, les garçons. Je sais pas c'est si c'est des petits pareos, c'est des pareillettes. Des parionnettes. J'en sais rien. Donc, effectivement, le pareo trouve son origine donc en Polynésie. En fait, avant de devenir l'accessoire un peu des femmes qui allaient à la plage, il était porté aussi bien donc par des hommes que par des femmes. Les Polynésiens s'en servaient comme pagne, tandis que les femmes en fait utilisaient des nouages un peu plus élaborés pour se couvrir le corps. Donc, c'est quand même assez ancien. À l'origine, donc, c'était fabriqué à partir d'écorce d'arbres battus qui étaient appelés tapa. Et quand les Européens ont introduit donc le tissage en Polynésie, ça a pris le nom de pareux, donc ça s'écrivait pas P-A-R-E-U. Mm-hmm. Et en fait, le nom tahitien, et après, ça a donné le mot paréo. Voilà, donc là, je vous fais un petit peu d'histoire, l'histoire du paréo. Bah, il faut, en fait. C'est important. Il y a eu des portraits de Vainé hein, qui étaient faits par, Paul Gauguin. Ouais, donc qui ont fait connaître un peu le paréo coloré donc en Occident. Les premiers paréos ont été importés dans les années 1930 et ils ont connu quand même pas mal de succès. Que ça soit en tant que vêtement de plage ou voilà en tant que vêtement de plage c'est en plus fait, des vêtements de plage ouais, exact, mais alors ouais. On met quand même un maillot de bain en dessous n'est-ce pas? Alors oui, vous pouvez mettre un maillot de bain en dessous ou vous ne voilà vous oh, non non non, non ça c'est cochon après chacun fait ce qu'il veut voilà ça couvre quand même voilà une partie du corps mais après chacun alors il y a différents types de paréos lesquels alors en Polynésie française donc certains paréos donc sont quand même peints à la main il faut le savoir aussi à Tahiti le paréo donc désigne en général une pièce de tissu de 2 mètres carrés donc c'est teint avec des couleurs vives et c'est souvent orné en motif fleuri. Maintenant, effectivement, nous, en France, notamment, on a plusieurs types de paréos. On a des paréos à motif, ouais. Qui sont souvent d'inspiration donc, voilà, de Polynésie, avec des fleurs et des fougères. Waouh, des fougères. Wow, c'est un peu la, voilà, la nature. On a des paréos batiques, hein, donc qui sont teintés à l'aide donc, d'une technique venue d'Afrique. En fait, le batik, ça consiste à enduire le tissu d'une couche de cire. Et après, on le teint et ça, en fait, on obtient un dessin. D'accord. Et puis on a des paréos brodés, parfois ornés de sequins. Voilà, donc, de sequins. De sequins. Sequins, tout à fait. Et après, on peut. Alors, il y a plein de façons aussi de nouer le paréo. Il y a plein de tutos sur Internet, notamment. Ouais. Vous pouvez d'abord le plier en deux et vous pouvez l'enrouler donc, autour de la taille. Donc, ça fait un peu comme une petite jupe de plage. Oh, en il fait, serait beau celui-ci avec ça, hein, le jack. Hein. Mais c'est si, je le vois bien. Jupe de plage. Ouais, oui. C'est pas faux. Voilà, dans le sud de l'Espagne, ouais, là, comme ça. Il serait pas mal, hein. Et il y a aussi une autre façon de le nouer en façon un peu bustier. Alors vous avez la façon bustier, donc en fait il suffit juste de placer le paréo donc, dans votre dos et vous passez les deux pans sous vos bras et vous nouez le tout sur le côté. Alors il faut imaginer hein, parce que c'est sûr qu'en radio c'est un job, hein. C'est un job et je vous dis il y a plein de nanettes qui s'amusent à trouver en fait de nouvelles façons pour nouer leur paréo donc pour aller à la plage et vous pouvez aisément regarder ça sur le net, vous allez trouver plein de choses. D'accord, quelle est ta tenue toi Jack cet été pour aller à la plage, cet été essentiel, le classique. Je n'irai pas à la plage puisque je continue à bosser moi messieurs dames. Non mais sans aller à la plage, la tenue estivale, la tenue estivale, en ce moment j'aime bien le petit chino avec les espadrilles noir bleu et rayées blanches. Donc rayées, on est sur une petite chemise bleue très légère. D'accord. Ouais. Voilà. Petite marinière d'espadrilles avec... un petit truc frais comme voilà. Ça, tu peux te balader tranquillement dans le métro, quand il fait chaud tu peux prendre Alors se balader dans le métro, il y a mieux. Hein. Ah. Oui mais ça aide quand même pour se déplacer. C'est vrai, voilà. Se balader en dehors du métro. Voilà. Je pense, mais dans pour aller boire des coups. Oui, oui, c'est voilà, possible. C'est possible. Vous avez la possibilité, bien sûr, hein, comme ça aussi. Parce qu'il y a quand même. On dit souvent qu'à Nancy, il n'y a pas de plan d'eau, mais il y a des plans d'eau possibles aussi hein, autour de Nancy. Et n'hésitez pas à les fréquenter parce qu'on n'a pas que la Côte d'Azur. On n'est pas forcément. Il y a des gens qui restent ici, qui restent sur Nancy et qui ne peuvent pas partir en vacances. Exactement. Et donc, il y a des tas de choses. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir partir à la mer. C'est vrai. C'est vrai. Et vous avez la possibilité de mettre votre paréo. C'est comme ça. Exactement. Mettez votre paréo, faites une photo, mettez-le sur la page. Voilà. Et nous ferons une élection Miss Paréo. Mister Paréo. Mister et Miss Paréo. Ah, c'est voilà. Possible. Le plus beau paréo sera récompensé d'une photo dédicacée de François. Ah bon, bah d'accord. Carrément. Ah, d'accord. Voilà. Mais moi, j'ai envie de. Bien sûr, bah oui, on veut du soleil. On veut du soleil, les amis. On en veut toujours du soleil. Allez, c'est au petit bonheur, bien sûr. Je veux du soleil. Vous êtes sur Fadjet, il est 17h19. On est ensemble jusque 18h. veux du soleil. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Ah, les amis, on vous plombe un peu, on se pose, hein, tranquille, parce qu'on a besoin, effectivement, pendant les vacances, surtout de se reposer aussi. C'est l'essentiel des vacances. Alors, j'ai vu pas mal de reportages en ce moment. On parlait de des bouquins à lire, hein, effectivement. On dévore les romans à la plage ou au bord de la piscine ou à une terrasse d'un bar. Alors, je ne sais pas si vous lisez, vous. Hein, si toi, j'ai une liseuse, moi. T'es une liseuse, toi? Ouais. Tu lis directement sur ta tablette? Non, c'est une liseuse, c'est un truc Fnac. Ah oui, d'accord, ouais. Et tu lis dessus. T'as des romans que t'aimes bien lire l'été ou des choses? Bah, je lis toute l'année. Tu lis toute l'année, toi? Ouais, je lis du policier, peut-être plutôt, ouais. C'est vrai? Ouais. Moi, c'est ce problème-là, je ne lis pas. Je lis très peu. Bah, tous les soirs, un petit peu, j'essaye. Bah oui, il faut. Alors voilà. Donc, ça peut être votre activité de l'été, hein. Farniente, bien sûr. Et il faut quand même un essentiel. Alors, certains se mettent sur des hamacs, hein. Je ne sais pas, voilà. Le hamac est assez confortable. Mais il y a aussi, un article de déco qui fait son retour depuis plusieurs années aussi, déjà. On les récupère, on les retape, c'est possible aussi. On met des toiles de couleur, comme on a envie de les mettre. C'est la chilienne. Alors, la chilienne, ça vous parle peut-être pas du tout. Hein, c'est ça possible. N'est pas Kiki. Hein, non, ça n'est pas Kiki qui partait au Chili. D'ailleurs, on l'embrasse parce qu'on lui fait un bisou. On lui fait un petit coucou, elle est en colo. Pas trop de bisous. Hein. Christelle Youplaboum, qui est notre 4e larronne, on peut dire. 4e larron de l'équipe d'un coup d'œil dans le rétro. Et donc, pour le coup, la chilienne, c'est un transat. Ouais, oui, c'est la question que vous vous posiez. C'est un transat qui est une abréviation au départ. Hein. Le transat, c'est une abréviation du mot transatlantique. Ce nom provient notamment de l'usage initial de ce siège sur les paquebots transatlantiques, d'abord appelés chaises de pont. Exactement. Le transat était en bois, canné en rotin ou avec un repose-pied et des accoudoirs. Alors, vous pouvez le choisir coloré aussi, hein, c'est plutôt sympa, les couleurs estivales. Et au départ, donc, c'est lors de l'armement du paquebot France, les transats en première classe, eux, étaient en aluminium. Hein. C'était la petite différence. Ouais. Et avec l'instauration des congés payés en France en 1936, le transat connaît un développement sur les plages. La chilienne va faire son apparition. Alors, moi, je viens pas trop avec mon transat sur la plage. Hein. On vient plus avec sa serviette, avec c'est son vrai. Petit sapin. Ah bah non, c'est serviette. Sur les plages privées que tu vas sur un transat. Mais c'est vrai que les transats, en règle générale, on les trouve sur des plages privées. Bah, ouais. Y a même des gens qui sont embauchés juste pour positionner les transats sur les plages privées. C'est vraiment leur job. Et on appelle ça les plagistes. Les plagistes. Mais tout, en général, tu les vois, il faut que chaque transat soit aligné l'un avec l'autre. Enfin, c'est quand même une chose. Non, mais le truc, c'est d'en mettre le plus possible. C'est oui. Ça. Et puis oui, surtout, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas non plus hyper sympathique comme job. Hein, parce qu'ils commencent très tôt le matin, c'est très fatigant. Alors peut-être qu'ils ont la mer face à eux. Non, c'est crevant parce qu'il fait chaud. Le sable, c'est relou de marcher dans le sable. Faut servir les gens. Comme tous les chichis, les beignets, tout ça, c'est hyper physique. On les voit déjà. Regardez-les, les mollets qu'ils ont. Les mollets de coureur. Là, il y a quelques semaines, j'étais à Saint-Trope, enfin à Ramatuelle sur une plage. Les gars, ils étaient déjà au bout de leur vie, hein, alors que la saison commence. Hein. C'est vrai. Et donc, la chilienne a fait son apparition. Le rotin est remplacé par une toile solide. Et le châssis est généralement donc en teck, en acacia ou en hêtre. Sans un coudoir, bien sûr, il s'incline grâce à des crans dans l'un des cadres en bois. La chilienne donc se distingue de la chaise transat, hein, car on ne peut pas allonger les jambes. La chilienne, elle s'arrête sous les ischios. Exactement. Voilà, c'est la différence en fait entre les deux. Pas d'accoudoir et pas de voilà, et tu peux pas allonger tes jambes. C'est ça. Et aujourd'hui, donc, cette chaise longue pliable en bois et en toile est un incontournable de l'été. D'ailleurs, on en a un sur notre petit balcon. Ça prend pas trop de place, ça résiste aussi à la pluie. C'est indémodable et confortable. Et donc, bien sûr, c'est un symbole de farniente. Ça incite à la détente, au temps d'une sieste, d'une séance de bronzage. Ça s'installe aussi bien à l'ombre d'un arbre qu'au bord d'une piscine ou sur une terrasse. Et c'est très tendance. Et on aime faire ça et on aime remettre... Alors, plutôt que finalement d'aller acheter ça directement en magasin, on peut peut-être c'est peut-être un peu plus simple de les chiner, hein, c'est un peu le plus pratique. Oui, on peut effectivement en chiner lors des vide-greniers ou lors des brocantes qu'il y a vachement quand même à cette époque. Mais ça tient le coup quand même dans le temps. Enfin, ça se chine facilement. Parce le que bois, oui. La toile, ouais, la toile, non. Mais la toile, tu peux peut-être la remplacer. Hein. La toile, on peut la remplacer. Mais après, si tu prends une toile solide, franchement, ça tient. C'est quand même assez solide comme transat, je trouve. Okay. Et puis, vous pouvez vous amuser avec des toiles de différentes couleurs pour donner un peu de peps à votre jardin ou sur la terrasse. Sur une terrasse, c'est assez coloré. Tu vois, okay. c'est alors, ceux qui veulent aussi eh bien, il y en a des possibilités d'en dénicher sur Internet. En général, c'était 25 ou 30 euros. Mais il est aussi possible d'avoir un modèle Made in France, hein, parce qu'on propose le Made in France, ici, un coup d'œil dans le rétro. Et donc, il y a une marque qui s'appelle Sauvagnat, qui est spécialisée dans les chiliennes et les parapluies. Donc, ça va peut-être de pair, hein, parce que des fois, t'es pris de court, tu veux profiter du temps maximum, le temps se baisse à la mer assez rapidement, et bim, une petite sauce, comme ça, tu sors ton parapluie. La marque pas est quand mal, même multisaison, tu vois. Ouais, ouais, voilà, elle bosse toute l'année. Des parapluies, c'est quand même assez malin, je trouve. C'est vrai que c'est assez malin. Et donc, si les chiliennes sont traditionnellement en bois, on en trouve aussi désormais en métal. Hein, ouais, elles sont légères, pratiques, assez sûres d'utilisation. Il suffit de les emporter, de les plier et de les emporter un petit peu partout. Alors, il en existe pour tous les goûts, hein, grâce à un choix large de toiles unies, rayées ou motifs. Alors, on peut avoir des petits pois, c'est plutôt mignon. De la fleur, de l'imprimé vache. Ah non, stop. Non, pas d'imprimé vache. On peut plus de l'imprimé vache. Ah ouais, ça suffit. Bah, nous, on n'est pas fans, mais après, ça existe, effectivement. Oui, mais c'est trop. C'est trop. C'est vrai que l'imprimé vache. C'est trop. 17 ans après, on doit arrêter. En tout cas, ça peut s'accorder à ton style de mobilier de jardin. Tu vois, là, tu peux faire ce que tu veux. Et puis, tu t'achètes une ou deux chiliennes, tu te poses tranquille, tu lis un bon bouquin. Et ton petit mojito. Et t'es bien. Ouais, tu reçois des amis chiliens. Et au-delà de ça, ça s'adopte aussi sur les balcons, les petits balconets. Hein. Comme chez vous. Ça prend pas trop de place. C'est ça, exactement. Le nôtre est jaune. Oui, votre balcon. Balcon de 184 mètres carrés. T'enlèves 180. Et 27 chiliennes alignées. Voilà, c'est ça. Et donc, sur mer. Le personnel sort tous les matins. Ce qui est plutôt pratique aussi, c'est que tu as diverses positions. Hein. Tu peux être de la chilienne. Voilà, sur la chilienne. La chilienne s'adapte à plusieurs positions. De l'allongée à l'assis. Ah, tu vois, voilà. Bon, il faut bien calculer son cou avant de te poser quand même. Qu'elle soit bien. Il faut que tu te relèves. Qu'elle soit ferme. Elle soit bien encastrée. Ça ferme la chienne. C'est ça. Faut qu'elle soit bien. T'arrêtes toutes tes tendances là, tes sous-entendus là. Arrête. C'est les voyages, ça, tu vois ça. C'est les voyages, j'ai complètement surexcité. Les voyages forment la jeunesse. Complètement surexcité. Alors, il y a un groupe qu'on affectionne, hein. On ne les présente plus parce que maintenant tout le monde les connaît, bien sûr. Ah oui, même moi je m'y suis mis. C'est Deluxe. Deluxe, voilà. Un groupe plutôt folklore comme ça. Ça y voit, ça envoie. C'est de la moustache aussi, hein. De la moustache à tout va. En veux-tu, en voilà. Et c'est Pony. Vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le vrai rétro. Dans le vrai et métro. Le rétro, bien sûr. Il est 17h30, les amis. Prenez le temps. Le week-end arrive. Are you ready? Deluxe. C'est plus qu'une radio. Bien sûr que c'est plus qu'une radio. Mais oui. Fadjet, la preuve, pour preuve en est, ça fait bien, ce sera la quatrième saison qu'on entamera en septembre 2017. Quatrième saison, on a fait une émission par mois. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les podcasts hein, directement et bien sur le site www.fadjet.net, rubrique. Un coup d'œil dans le rétro, bien sûr. On a tous les podcasts qui sont dans les émissions précédentes avec nos invités. Alors, on essaye autant que possible d'avoir un invité. Jusque-là, on en a eu. Là, on termine la saison. Mais n'hésitez pas, si vous êtes acteur du monde rétro, quel qu'il soit, dans la mode, la déco, que ce soit dans la musique, dans les artistes, dans l'auto, dans l'automobile, dans les vêtements, dans peu importe, dans l'événementiel aussi, ouais. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter, tout du moins aussi pour nous donner vos agendas, vos événements, et on en parlera dans l'émission à la fin, à chaque fois. À la fin, c'est une rubrique, eh bien, sur les sorties à faire, et aussi, eh bien, vous accueillir dans l'émission à partir de la rentrée. D'ailleurs, au passage, on a eu beaucoup, et il y a beaucoup d'acteurs locaux quand même du rétro et du monde rétro, parce que c'est, effectivement ça fait son retour depuis plusieurs années, mais aussi parce que les gens, un peu sur la nostalgie comme ça, aiment retrouver des petites choses qu'ils avaient quand ils étaient petits. On a d'ailleurs, vous avez peut-être déjà eu un Jack dans votre vie quand vous étiez petit. Nous on en a un. N'importe quoi. Nous on en a un, on a cette chance là. On en a retrouvé un. C'est un peu comme Dieu. Écoute, en fait, je l'ai chiné il n'y a pas trop longtemps. C'est un peu comme le bon Kiki. Moi, j'ai un petit Kiki rabougri comme ça. Ça va pas. C'est parce que j'ai les cheveux longs que tu dis ça. Il a un bras qui pend, donc mon Kiki, tu sais. Il est passé dans la machine à laver deux, trois fois. Il a le pouce usé aussi, quand même. Mais votre Kiki, il est bizarre. Hein. Mais il est toujours là, il est toujours. Et notre Jack, c'est pareil. Malgré qu'il parcourt le monde, parce que là, il faut le suivre. Hein. Vous allez le voir monde, son. Pas non plus. Ah, bah quand même. Enfin, déjà, tout du moins, la France en long, large, en travers, ça c'est sûr. Mais au moins, tous les pays limitrophes, tu les as fait en long, en large et en travers. Ah bah cette année, oui, je les ai tous fait, oui. Et donc c'est Jack qui est avec nous depuis un an ou deux, peut-être, je ne sais même plus maintenant. C'est la deuxième. Hein. Jack que l'on connaît pour Jack fait un blog auto .fr, c'est ça? Oui, oui, point j'ai fr, eu un doute. Voilà. Oui, parce que je ne trouve jamais mon adresse. Passionné d'automobile et passionné aussi de musique. Aujourd'hui, tu vas nous parler de The Clash. Ah oui, aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai décidé de vous parler de The Clash. D'accord. Pourquoi vous parlez des Clash? Eh bien, parce que j'ai eu envie. Parce que t'aimes tout bien. Tout simplement. Oui. Et parce que j'aime bien, effectivement. Après vous avoir parlé des Beatles, des Rolling Stones, on continue un petit peu l'histoire des grands groupes qui ont marqué le rock. Ouais. Donc tout commence dans la banlieue de Londres en 1976. J'étais né. T'étais né? Oui, j'étais né. D'accord. Eh oui, vous n'avez moins 4 ans. Ah, oui, et moi j'avais, je ne le dirais pas. Non. Encore Londres quand même. Hein, c'est toujours. Ouais, bah, oui, fois, oui mais bon, Londres. Eh oui. Le berceau. Donc, les membres du groupe London SS viennent de subir un 50 échecs et souhaitent rebondir au plus vite. Et pour ça, emmenés par Mike Jones, chanteur et guitariste, ils décident de recruter un certain Joe Strummer. Et ça, c'est la bonne idée. Ah. Paul Simonon, basse, et Keith Levin, guitare, Terry Chimes, batterie, complètent la formation. Et là, dès 1976, on retrouve les Clash en première partie des Sex Pistols. Sex Pistols, c'était quand même pas un petit groupe. Hein. C'est rock. Un petit peu si en ce moment on disait on fait la première partie de Coldplay. C'est ça. Hein, bon, un peu plus trash, l'épaule et. Je te casse ta guitare. Je te casse. Voilà. Et je crache, je vomis. Quoi. Voilà, c'est ça. On fait tout. Enfin, en gros, on c'est fait ça. Partager avec le public. Voilà. Avant de signer donc avec un grand label, CBS Records, qui est quand même un des majors de l'époque. Ensuite, le premier album du groupe, sobrement intitulé The Clash, arrive. Et là, le Royaume-Uni découvre cette bande de potes complètement déjantés, on peut le dire. Hein. C'était quand même des gars très rock'n'roll, vraiment des punks même, hein, avec le premier titre qui s'appelait Riot. Les membres rencontrent quelques déboires avec les forces de l'ordre, hein, forcément. C'était un petit peu les rebelles de service, hein, les contestataires, pardon. Les Clash sortent un deuxième opus, Give Em Enough Rope, lequel atteint la deuxième place des charts britanniques. Donc, quand tu commences à choper les cinq premières places des charts britanniques, c'est que tu commences à vraiment avoir du succès et que ta carrière est quand même bien lancée. Le premier album qui franchit l'Atlantique, ils en profitent pour faire une petite tournée quand même, hein, un truc entre amis, hein, aux États-Unis, hein, des petits concerts. Ils appellent ça le Pearl Harbor Tour. D'accord. Pearl Harbor, en hommage à la bataille de Pearl Harbor. Pas de répit pour le groupe. En 79 sort le troisième album, un double CD nommé London Calling. Celui-là, tout le monde connaît. Vous le connaissez, François, toi là-bas, derrière ta moustache, tu connais London Calling? Oui, je connais. Cette pochette où on voit un gars exploser une guitare, ouais. Voilà, avec des lettres en rose, vert, oui, voilà. Je connais. Ça, c'est, donc, avec le titre éponyme d'ailleurs, London Calling. Et surtout, le plus connu de tous les titres des Clash, Should I Stay or Should I Go, qui passait en boîte régulièrement à notre époque, ouais. Hein, qu'on peut encore entendre d'ailleurs dans certains clubs un petit peu branchés rock. On peut le mettre. Et à la radio. Alors là, on va vous le faire écouter quelques... Et là, normalement, en boîte, on disait le pogo est interdit. Fais attention. Attention, les Doc Martin. Bien sûr. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Après donc ce double CD qui a quand même eu un succès retentissant, les Clash frappent encore plus fort, un triple album. Et oui, mesdames, pas en fait, un, pas deux, voici trois, trois CD. Donc propose Sandinista. Ouais. Alors ça c'est un truc qui explore dans tous les styles musicaux. Il faut savoir que à la base ils sont fans de punk, mm-hmm, de ska, mm-hmm, ok, mm-hmm, de reggae. Tout se rejoint, hein. Reggae, ska, c'est à peu près la même chose sur un différent rythme, et beaucoup de blues aussi. Donc Joe Strummer est un gros gros fan de blues. Donc alors ça commence un peu à diviser justement, parce que les fans, eux, ils voulaient du rock, du punk, ils voulaient se bagarrer, se balancer des bières et tout ça. Hein. Mmh. Et quand on leur met un peu des trucs un peu plus soft, ils commencent un peu à s'énerver. Donc ils élargissent leur spectre musical avec le jazz dans Look Here, le hip-hop dans The Magnificent Seven, qu'on peut écouter peut-être quelques notes. Toutes les chansons des Clash, on les connaît. Ah, mais on connaît. Ouais, sincèrement, vous mettez une playlist sur Deezer, vous en connaissez 80%. Des tubes, tous des tubes. Que des tubes. Alors, ils explorent aussi dans cet album un peu de la musique de chambre. Oui. Alors là, c'est complètement étonnant pour un groupe comme ça, mais musique de chambre, du gospel. Ah, ils sont passés par tous les styles. Donc en fait, voilà, là, ils sont vraiment lancés dans l'expérimentation. Donc s'ensuit ensuite la première vraiment grande tournée mondiale, hein, parce qu'ils ont fait tourner chez eux en Grande-Bretagne. Ensuite, ils sont allés aux États-Unis. Normalement, c'est normal, hein, l'anglophone, ouais. Voilà. Nous, chez nous, on tourne en France, en Suisse, au Luxembourg, mais oui. En Belgique. Donc ça se passe comme ça. Donc là commencent les premières tensions. Et là, c'est le drame. Et voilà, ça s'engueule. Da-dum, da-dum. Ça s'engueule. Ça s'engueule. Ah bah ça s'engueule parce que succès, on n'est pas d'accord, on se bagarre, on se picore. Donc le nouveau disque Combat Rock, marqué par le single Rock the Casbah, qu'on va vous faire écouter tout à l'heure, si vous êtes sage. Petit teasing. Hey! C'est bon ça, hein? Oui, c'est vrai. Ouais, et je vous réveille quand même. Vendredi soir, c'est l'été, je vous réveille quand même avec du son. Alors ensuite, la tournée Combat Rock, énorme succès. Alors là, c'est encore vraiment un truc de malade, hein, bien sûr. Il participe à la tournée d'adieu de The Who. Mmh. Petit groupe, hein, The Who, c'est U2, hein, maintenant. Pour oui, petit groupe. Petit, petit. Petit, non, c'est, disons Muse, voilà. Parce que les jeunes U2, ouais, ils vont peut-être même pas capter, tu vois. D'accord. Mais c'est Muse, vrai. Voilà. C'est vrai. Muse. Sauf que The Who avait vraiment du talent, ils ne copiaient pas. Donc, ils jouent dans les plus grands stades américains. Le leader, donc Joe Strummer, teste même une crête iroquoise, ce qui fait un peu rire aux États-Unis. Hein. Ouais. Hein, t'imagines dans un pays où tout le monde est un peu bien peigné et tout, l'autre il arrive avec sa crête iroquoise. Qu'est-ce qu'il vient? Un rat sur l'épaule, une épingle à nourrice. C'est encore un punk. Un punk. Donc les querelles sont de plus en plus fréquentes. Hein. Les deux leaders, Jones et Strummer, ont vraiment du mal à bosser ensemble. Ce qu'ils comprennent, hein, parce qu'il y a toujours des problèmes d'ego quand il y a des grosses réussites comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'ils vendent énormément de disques. C'est vraiment une machine à tubes. C'est assez paradoxal d'ailleurs avec en fait le style du groupe, hein, parce que c'est du punk rock. Et on imagine mal un groupe de punk rock vendre des centaines de milliers d'albums. Donc peu avant une tournée aux USA, Joe Strummer disparaît. Il oblige le groupe à annuler les premières dates. Hop, alors, il se barre. Il se barre, comme ça. Ah, il se barre, il monte dans la 504 et... Allez, je me casse. Quel a été leur plus gros concert? Alors là, le plus gros concert, c'est quand même quelque chose. C'est en Californie, en 83, à San Bernardino, c'est difficile à dire. Ils jouent devant, attention messieurs dames, pas 100, pas 200, pas 300, mais 500 000 personnes. C'est même pas... C'est 500 000 personnes, je sais pas si vous imaginez. 4 stades. C'est genre la métropole de Strasbourg, plus Colmar. Nice, c'est Nice entier. Non, mais 500 000 personnes. Ouais. 500 000 personnes. Bon, c'est énorme. Bon, il fallait pas être derrière. Hein. Ah ouais, quoique devant, ça devait pas être mal non mais plus. Attends, mais ils voyaient rien quoi. Facile. Pardon, excusez-moi, faut que j'aille faire pipi. Oh, pardon. C'est pardon. Mais ça existe encore aujourd'hui ça? Non. 500 000 non, parce que même sur des festoches. Parce que non, mais après, à l'époque, niveau sécurité, c'était un petit peu light aussi. Ah, ils s'en fichaient, quoi. Ils mettaient un gars pour 500 000. Alors que maintenant, 100, c'est déjà bien. Hein. On a 100 000. On a un gars de l'Astécube pour 500 000, voilà, il fait du taekwondo. C'est... Non, maintenant, disons que les stades, t'as régulièrement des stades à 60, 65 000, ou des festoches à 100. Mais 500 000. Tu mets une semaine à rentrer chez toi, enfin. Ah, puis alors, attends. Bah, s'il y a une ligne de métro et que c'est la 13, t'es dans la merde. Mais tu vois le bordel, quoi. Et puis, si t'as prêté ton champ, bah, je vais dire que tu le retrouves mal. Ah, bah, si, mais il est planté. Ah, bah, là, oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, plus gros concert, 500 000 personnes. Donc, ensuite, il y a du changement. Hein. On change bah de guitariste. Il s'est barré quand même. Eh oui, jamais revenu celui-là. On change de guitariste et tout. On s'appelle différemment. On s'appelle The Clash Mark II. Pourquoi c'est pour faire plaisir. Ah, on dirait une Jaguar. Tiens. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, échec retentissant. Donc, ça marche plus là. Ah, ouais, l'album rencontre pas du tout le même succès que les précédents. Bah, forcément, il en manque un bout. La bande de Strummer se donne une tournée pour jouer les tubes des Clash. Donc l'aventure prend rapidement fin, parce qu'il y a un moment où il faut arrêter les frais. Ouais. Joe Strummer dissout le groupe en 85, peu après la sortie du premier single This Is England. Donc lui, il tentera une petite carrière solo. Ouais, mais en comme 89. À chaque fois, ceux qui tentent du solo, bah oui, parce que. Il y en a qui ont réussi quand même. Ouais, mais c'est difficile de survivre à un succès comme ça et un groupe, c'est difficile. Ouais. Hein, Bon, tu vois, je vois par exemple Devgan essaye avec Depeche Mode, ça marche, mais c'est pas non plus de la folie. Donc c'est super difficile. Voilà, c'est souvent des petits caprices. Finalement, il organise un concert avec différents musiciens en 2002. Et pas de bol, Jean-Paul, je te dirais, en 2002, c'est l'année où il décède d'une crise cardiaque à 50 ans. Il était quand même jeune. Ouais, t'es pas âgé. Et en fait, il aurait quand même pu faire énormément de choses encore, parce que c'était un gars qui était pourri de talent. C'est vrai qu'il s'est un petit peu mal quand il a tenté sa carrière solo, mais il aurait très bien pu remonter les Clash. Ouais. Alors, il y a un projet, même sans Joe Strummer, là, il y a un projet, mais ils auraient pu repartir. Et je pense qu'il aurait vraiment. Et voilà, il fait partie encore une fois de ces types qui étaient des génies, qui sont morts trop jeunes, comme Freddie Mercury, Jim Morrison. On va écouter quand même un tube, non? Ah oui, on va écouter un petit coup. Donc on écoute tout de suite l'un des tubes donc, des Clash, on a entendu quelques notes tout à l'heure, c'est Rock the Casbah, tu sens en slip à Londres, au fond de ta douche, à Strasbourg, ou à ta fenêtre à Malaga, ce titre est pour toi. The Casbah, The Clash. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors oui, vous êtes à l'écoute de Fadjet, bien sûr, sur le 94.2 si vous êtes dans les environs, jusqu'à une quarantaine de kilomètres. Jack est malade, hein, il s'enrhume, mais ça va être les vacances, il va pouvoir en profiter pour récupérer quand même. Et pas, non, tu récupères pas, toi, c'est sûr qu'on travaille toute l'année quand même. J'ai du boulot, moi. Ouais, du boulot, il a du boulot. Ouais. Et donc, un coup d'œil dans le rétro, c'est jusque 18h. C'est la dernière de la saison, les amis. Après, on se retrouvera la troisième semaine, comme d'habitude, du mois de septembre. Je n'ai pas encore la date en tête. Si, non, c'est... Non, il n'y a pas de rendez-vous encore. Si, peut-être le 20... On peut peut-être en faire une au mois d'août. Bah, je ne sais pas si on peut, oui, effectivement. J'ai mis le 25, mais je ne sais pas si... Les émissions recommencent, je crois, à partir le 24 août, le jeudi. Donc, il est possible d'en faire une au mois d'août, effectivement. Voilà. On vous redira de toute façon. On vous redira tout ça. Ouais. Si on peut la faire le 25 août, ça serait la première au mois d'août. On en aurait fait toute l'année comme ça, sans pause. Ouais. Et donc, n'hésitez pas à aller voir notre page, à nous mettre un petit like. Ça nous fait toujours plaisir. Je suis sûr, un leak. Sur notre page Facebook, Fadjet, un coup d'œil dans le rétro, sur les réseaux sociaux. On a aussi un blog qui va revivre un petit peu. Oui. Voilà, on va republier des petites choses. Le blog, c'est uncoupdeuildansleretro.blog.fr, quelque chose comme ça, ou leblog.fr, c'est ça. Donc n'hésitez pas à aller le voir aussi. En ce qui concerne les sorties au niveau local et national, Anaïk, il y en a certainement à faire ce mois-ci, n'est-ce pas ? Alors oui, donc je vais commencer tout simplement par une idée de sortie pour demain. Donc de 19h à 23h, vous pouvez aller voir le concert du groupe Milim Jazz. Donc ça se situe au bar qui s'appelle Jazzers. Donc c'est Grande Rue à Nancy. Donc il y a un premier concert en fait à 19h et un second concert à 21h et l'entrée est gratuite. Hein, donc je vous invite à aller déguster un petit verre avec ce groupe de jazz en face de vous. Je pense que ça va être sympa. Quoi d'autre ? Demain, toujours aussi, donc de 21h à 23h30, donc vous avez l'événement Renaissance et Lumière au château de Fléville, avec des illuminations donc à la bougie de la façade, Renaissance et du jardin. Donc il y a des visites nocturnes du château et l'exposition Rêve de jardin par des guides costumés. Donc vous avez quatre visites donc pour des groupes de 30 personnes avec différentes horaires. Vous pouvez vous renseigner à l'Office du tourisme de Nancy ou sur réservation donc préalable, donc tous les jours, sauf le dimanche, au 06 22 57 92 51. Dimanche maintenant, donc de 10h à 18h, donc au parc Explore Wendel à la Petite Moselle. Vous avez un grand rassemblement donc rétromobile avec des voitures anciennes et des voitures de prestige. Donc cette année, donc il y aura un espace qui sera dédié donc aux deux roues. Vous avez des animations et de la restauration aussi sur place et l'entrée est gratuite. Si on pousse un petit peu plus loin, donc au niveau des sorties, vous pouvez aller le 25 juillet, donc de 19h à 22h à l'auditorium donc du parc de la Pépinière. Et donc c'est un mardi et comme tous les mardis soirs donc du 4 juillet au 25 août, donc c'est le néo-bal coloré qui est proposé par l'association donc 3 et 4. Donc de 20h à 20h15, vous avez une petite initiation donc à une danse de couple ou de groupe et donc ce mardi, ça sera du rock. Donc allez-y, vous allez apprendre plein de choses et vous allez bien vous marrer, je pense. Le jeudi donc 27 juillet, donc on pousse encore un petit peu plus loin dans la semaine, de 20h à 23h donc au Totem donc à Maxéville, il y aura donc un spectacle flamenco avec la compagnie Acompass. L'entrée est gratuite, donc allez-y, on change un petit peu de style. On est passé par le rock avant, maintenant je vous propose un petit peu de flamenco. Dans un coup d'œil en rétro, on aime bien la diversité des danses et des sujets, donc pourquoi pas. Et aussi ce soir, je voulais revenir parce qu'on les a eu en invité lors de notre dernière émission. Vous avez Prohibition qui fait un afterwork donc à 18h30, donc vous pouvez y passer, boire une petite bière. Vous verrez, ils sont très sympas. On les a reçus le mois dernier. Faire tatouer aussi. Voilà, ils ont des beaux sourires. C'est donc allez boire un coup ce soir là-bas. Donc Prohibition, donc à Nancy à partir de 18h30. Merci Anaïka. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors, on ne voulait pas vous laisser sans faire un petit coup d'œil sur un artiste qui est parti, qui nous a quitté hier. Et on peut parler de vintage hein, quand on commence à parler d'une vingtaine d'années, notamment le chanteur du groupe Linkin Park qui est mort à l'âge de 41 ans, c'est Chester Bennington. Ouais, il est décédé hier chez lui, il s'est malheureusement suicidé. Donc, c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que c'est un groupe qui était quand même assez populaire, qui nous ramène dans les années 90. Un des groupes phares du ce qu'on appelle le New Metal. Donc c'était la voix vraiment la voix typique de The Group. Il a été retrouvé chez lui à LA. Il avait quand même seulement 41 ans, c'est un petit peu jeune. Il avait des addictions manifestement depuis un certain nombre d'années. Oui, alors effectivement comme bien souvent dans ce genre de métier, ils ont des addictions. Donc il était marié, père de 6 enfants quand même. Oui, quand même. Ouais. Il a chanté aussi dans deux autres groupes, Dead by Sunrise qu'il a fondé en 2005 et Stone Temple Pilots. Eh oui, qu'il a rejoint quand même de 2013 à 2015, qui est un des groupes phares quand même. Donc formé à la fin des années 90, Linkin Park connu un succès vraiment gigantesque avec un super album qui s'appelle Hybrid Theory and Meteora. Que j'ai, et oui, symbolique de la vague du new metal. Donc justement ces albums mixaient parfois des éléments de heavy metal avec du hip hop voire de l'électro, c'était un mix un petit peu. Donc c'est vraiment le groupe le plus connu du style hein. Green Day ressemble un petit peu à ça notamment, enfin voilà, il y a tout un tas de groupes avec des chanteurs blonds peroxydés. D'ailleurs, le premier groupe de Matt Pokora s'appelait Linkin Up en presque hommage. Linkin Up. Ah oui, voilà. C'est vrai. Oui. Attention. Mais sauf qu'il avait une voix vachement particulière. Jean-Michel référence. Je trouve que sa voix, donc si on revient sur lui, elle était un peu. Tu le reconnaissais. Ils avaient vraiment une actu parce que là, il y a un album qui est sorti, un septième album studio quand même, qui s'appelle One More Light. One More Night, c'est Phil Collins. Il y avait une tournée d'été aux États-Unis qui devait commencer la fin du mois. Donc on était vraiment dans l'actu quoi. Ouais. Et il s'était produit en France hein, sur la scène du Hellfest, qui est quand même le plus grand festoche de métal français, un des plus grands européens même on peut dire depuis quelques années. Donc problème d'addiction, drogue, alcool, dépendant, donc il a régulièrement parlé en interview d'ailleurs. Il disait « Je ne bois pas, j'ai choisi d'être sobre, j'ai été ivre pendant les 6 dernières années de ma vie, je ne veux plus être cette personne. » Bon ben, pas de bol Jean-Paul, j'ai envie de te dire, c'est qu'il a dû boire un verre de trop. Plusieurs personnalités de la pop ont fait part de leur peine à l'annonce de la mort du musicien. Donc c'est vrai que c'était vraiment une bête vocale, une bête de scène. Tu vois, même Rihanna l'a reconnu. Donc on peut dire qu'il a quand même marqué pas mal. Et puis un autre groupe du même style, Limp Bizkit, le chanteur Fred Durst a reconnu effectivement qu'il allait lui manquer. Et je pense qu'il va manquer à pas mal de gens, qu'on soit fan ou pas. On connaissait tous un morceau de Linkin Park et je pense que François a dû nous caler un petit morceau. J'ai calé un morceau avec Jay-Z et Linkin Park, c'est Nub. Que tout le monde connaît. Nub, et 17h55 sur Fudget, c'est l'été. C'est ça, c'est notre petit hommage eh bien, à cet artiste aussi hein, du groupe parti trop tôt malheureusement. Ah ouais. Allez, c'est Linkin Park. Should be no more, so for one last time, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than hoe? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can't none of y'all mirror me back. Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing. Damn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open to him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Bowl. So for one last time, I need y'all to roll. What I mean. play for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wave to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you, probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Except I take one for your team, and I need you to remember one thing. One thing. I came, I saw, I conquered. For record sales, sold out concerts. Come up, you want this encore. I need you to scream till your lungs can soar. Come on. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. But under the Linkin Park, Jay-Z, c'est Nub. Dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Eh oui les amis, malheureusement c'est l'heure de terminer notre émission. Déjà. Eh oui, il est bientôt 18h. Les programmes continuent, hein, ouais. Donc pour vous préciser, les programmes continuent sur Fadjet, c'est eh bien vous m'en lirez tant d'ici quelques instants. À 18h, 18h30, Charlie & Co, Ciné World à 19h, Electrochoc à 21h et Party Time à 22h. En ce qui nous concerne, on essaye les amis de voir pour le 26 août, c'est, on peut faire une émission. On est très heureux d'être avec vous ce soir, on vous souhaite un bon week-end, n'est-ce pas? Un bon week-end, du repos, du soleil, de la fête. De bon voyage à Jack. Ouais. Non, j'ai rien de prévu là. Là, t'as rien de prévu. Non, pas avant la prochaine. Repose-toi. Non, je rentre à Paris, peinard. Eh ben, repose-toi un petit peu. Anaïk aussi, bonnes vacances. Merci François. Bah, bonnes vacances à tous. Profitez, reposez-vous, faites la fête, profitez de votre famille, de vos amis. Amusez-vous, aimez-vous, amusez-vous, protégez-vous. Voilà. Lâchez prise pendant les vacances. Et envoyez-nous des photos. C'est ça, un coup d'œil dans le rétro. À bientôt, ciao. Bise.